السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. أسأل الله عز وجل الحي القيوم الجواد الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى كل خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد الشديد والنهي الأكيد وبيان كفر من عمل به. Chapitre numéro 23, le chapitre de ce qui est venu concernant la sorcellerie. C'est-à-dire du Coran, de la Sunna et des paroles des pieux prédécesseurs concernant l'interdiction de la sorcellerie, du jugement du sorcier et de la gravité de cette pratique. Munasabatu al-bab li kitab at-tawhid as-sihr yunafi asl at-tawhid فذكره المؤلف رحمه الله تعالى تحذيرا منه. Donc l'auteur a cité, d'accord, une seconde. Donc l'auteur a cité ce chapitre, le chapitre de la sorcellerie, dans son livre, le livre de l'unicité, car la sorcellerie annule la base du tawhid, annule l'islam de la personne. Il a donc cité ce chapitre afin de mettre en garde les musulmans contre la sorcellerie. Et avant de poursuivre le cours, il y a une personne qui est venue pour se convertir à l'islam, bihamdillahi azza wa jal. Donc, yatafaddal. Bienvenue à toi. Comment est-ce que tu t'appelles ? Marvin. Marvin ? D'accord. Tu veux t'asseoir sur une chaise ? Ça va. T'es à l'aise comme ça ? D'accord. Alhamdulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Donc on remercie Allah, celui qui t'a permis de venir à la mosquée afin d'embrasser l'islam. Pour ce faire, il va te falloir prononcer ce qu'on appelle l'attestation de foi, qui est en arabe Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ce qui signifie: j'atteste, je reconnais qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée excepté Allah. Donc tu dois renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et reconnaître que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. D'accord ? Tu dois également attester et reconnaître que le dernier prophète et messager est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu avais une religion auparavant ? Non. Non ? D'accord. Donc en prononçant ces mots, tu seras musulman. D'accord ? Donc, je vais te dicter ce que je viens de t'expliquer en français. Je vais te le dicter en arabe et ainsi tu pourras répéter après moi. Donc, tu dis Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah bi tatimmu salihat. Félicitations, Marvin. Qu'Allah t'accorde tout le bien dans ce bas monde et l'au-delà. Qu'il te raffermisse dans sa religion. La seule religion qu'il agrée, l'islam. Et je t'annonce la bonne nouvelle, tout comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sache que l'islam efface tout ce qui est passé. C'est-à-dire que de par ta conversion à l'islam, Allah t'efface tous tes péchés passés. Donc réjouis-toi du meilleur jour de ta vie depuis que tu es venu au monde. Et Inch'Allah, des meilleurs jours à venir pour toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et te facilite tout le bien. Barakallahu fik. Et celui qui est venu avec toi t'enseignera encore plus et te montrera comment faire tes ablutions et faire la prière. Tu veux apprendre à faire la prière? D'accord. Tu dois faire 5 prières par jour. D'accord. Et tu vas commencer par Maza, celui qui est venu avec toi va t'accompagner et tu vas pouvoir commencer la prière dès maintenant, Inch'Allah. Est-ce que les frères vont t'offrir un cadeau de la part de ceux que tu vois devant toi? Et chaque personne que tu vois devant toi est désormais ton frère en islam et se réjouit et te félicite pour ta conversion. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah t'accorde tout le bien et qu'il te facilite l'apprentissage de sa religion et qu'il nous maintienne et te maintienne sur sa religion. Est-ce que tu avais une question particulière? Non, ça va. Ça va aller pour l'instant? D'accord. Sache que tu es la bienvenue dans cette mosquée ou une autre. Barakallahu fik. D'accord. Si tu veux rester assis, tu peux rester assis. Si tu veux ma place aussi, je peux te donner ma place. D'accord. Tu t'installes où tu veux, t'es chez toi. Alhamdulillah. الذي بتتم الصالحات Donc nous sommes dans le chapitre numéro 23 concernant la sorcellerie. Et l'auteur nous a cité dans son livre, ce chapitre, car la sorcellerie annule l'islam de la personne, exclut la personne du monothéisme. Ainsi, l'auteur, à travers ce chapitre, va nous mettre en garde contre le polythéisme. Barakallahu fikum. As-sihru lughatan ibara amma khafiya daqqa wa latufa. As-sihr, dans la langue arabe, ibara ce sont des choses subtiles. Dans la langue arabe, as-sihr, ce sont des choses, c'est ce qui nous indique une chose cachée, une chose subtile. Walihada, taqulu al-arab, ani as-sahar, as-sahar. لأن ما يحصل في هذا الوقت والسحر آخر الليل يكون ماذا خفيا عن الناس. Parmi les mots ayant cette base, il y a par exemple as-sahar. Et nous approchons du mois de Ramadan, qu'Allah nous facilite à atteindre ce mois et nous facilite à le jeûner avec foi et espoir en sa récompense. As-sahar, c'est le temps qui est avant Al-Fajr, c'est la fin de la nuit. Et on a appelé ce mot Sahar, on a appelé ce moment-là, ce temps-là, Al-Sahar, car ce qui s'y passe est caché des gens, du fait que ça se passe à la fin de la nuit. Également, Al-Sahur. Qu'est-ce que Al-Sahur? Indaman, qu'est-ce qui répond à cette question? Tafadda. Al-akl qabla al-fajr. Na'am. Donc c'est le repas que nous prenons avant d'entamer un nouveau jour de jeûne. Et on l'appelait as-sahur, car ce repas-là a lieu à la fin de la nuit dans un moment qui est caché. D'accord ? Donc voici le sens du mot as-sihr dans la langue arabe. Amma istilahan ikhtalafa ahlul ilm fi haddihi wa ta'arifi. Dans la terminologie, les savants ont grandement divergé quant à sa définition et sa délimitation. Hatta inna minhum man tawaqqaf. Au point où certains parmi les savants ont dit qu'il n'y avait pas de définition englobant toutes les parties composantes de la sorcellerie, excluant toutes les parties n'en faisant pas partie, toutes les parties n'entrant pas dans la sorcellerie. Bita'birin akhar, qala ba'du ahli al-'ilm wa minhum al-'allama al-mufassir Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala wa qablahu al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah jami'an anna ماذا السحر اسم جامع لمعان مختلفة هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى السحر قال هذا في كتاب الأم يرحمك الله في كتابه الأم اسم جامع لمعان مختلفة والشنقيطي رحمه الله تعالى قال في الأضواء اعلم أن السحر في الاصطلاح يرحمك الله لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته. إمام الشنقيطي رحمه الله تعالى nous dit, sache que la sorcellerie dans la terminologie, nous ne pouvons pas la définir de manière précise, car nombreux sont les parties entrant sous cette appellation. D'autres parmi les savants ont donné une définition en citant les parties les plus connues de la sorcellerie, les choses le plus souvent pratiquées. A'adhanallahu wa iyyakum min as-sihr. Allah nous préserve de la sorcellerie et de ses effets. Wa as'allahu 'azza wa jal an yantaqima min al-mujrimin al-kafara as-sahara. Et qu'Allah accorde aux sorciers ce qu'ils méritent. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتابه الكافي وعزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. ابن قدامة رحمه الله تعالى a donné une définition de la sorcellerie en disant ce sont des formulations, des incantations, des nœuds qui affectent les corps ainsi que les cœurs au point de rendre malade certaines personnes, d'en tuer d'autres et de séparer entre l'homme et son épouse jusqu'à la fin de la définition. Donc ici, les savants ont dit qu'il a cité les formes de sorcellerie les plus répandues, les plus pratiquées. As-sihru haqqun, lakin alayka an tafham annahu la yu'athir illa bi'idhnillahi azza wa jal al-kawni. Un point très important à comprendre ici. Donc comme vous l'entendez, on passe par une introduction avant de citer les textes qui sont dans le livre devant l'importance de ce sujet. As-sihr, donc vous devez savoir que la sorcellerie, c'est une vérité, c'est une chose qui existe. C'est une vérité dans le sens, c'est une chose qui existe. Mais vous devez aussi savoir que ses effets ne deviennent pas effectifs si ce n'est avec la permission d'Allah et son décret universel. Si ce n'est avec la permission d'Allah Azza wa Jal et son décret universel. Qala jalla wa ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Allah dans le Coran, dans Suratul Baqara, le verset 102. La plupart des masaïls reviennent à ce verset, donc retenez-le. Le verset 102 de Suratul Baqara. Et ils ne peuvent nuire à une personne si ce n'est avec la permission d'Allah. Et on a vu que Al-Qadha, al-irada, et d'autres termes se divisant de al-kawniya wa shar'iyya. Et ici, pareillement, idhnullah, la permission d'Allah est de deux types. Al-idhn, al-shar'i wa al-kawni. Ici, c'est la permission universelle. ذهبت المعتزلة ووافقهم على هذا قلة من أهل العلم كابن حزم على أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تخييل أي يؤثر على أبصار الناس أي يؤثر على أبصار الناس فيرون أشياء على غير حقيقتها المعتزلة un groupe d'innovateurs et une minorité parmi des savants ont pris comme avis que la sorcellerie n'était pas réelle, mais ça n'était que de l'illusion, ce qu'on appelle l'illusionnisme. Donc une sorcellerie qui se dirige sur le regard de la personne et qui lui font voir par la suite les choses autrement que la vérité sur laquelle ces choses sont. En d'autres termes, il voit des choses qui ne sont pas réelles. Je peux voir quelqu'un bouger ou se faire agresser alors qu'il n'en est rien. Il peut voir quelqu'un mourir ou entendre des choses alors qu'il n'en est rien. C'est de l'illusion et c'est le sihr qui était pratiqué dans le peuple de qui ? De Moussa alayhi salam. Wa sahih anna sihra minhu التخيلي نعم ولكن مع ذلك الحقيقي إذن ينقسم السحر باعتبار على قسمين السحر الحقيقي والسحر التخيلي La sorcellerie se divise en deux de ce point de vue là. Premièrement, la sorcellerie qui est réelle. Deuxièmement, l'illusionnisme. C'est-à-dire qu'on ensorcelle la personne et qu'elle se met à voir les choses différemment de la réalité de la situation. السحر الحقيقي يؤثر على الأبدان والقلوب قد يقتل قد يمرض ويفرق بين المرء وزوجه ويؤثر في عقل المرء إلى غير ذلك من الأضرار. Donc le celui qu'on appelle al-sihr al-haqiqi, la sorcellerie réelle, peut affecter la personne dans son être, dans sa raison, qu'il peut perdre la raison, ça peut le rendre malade, ça peut le faire détester son épouse, et vice-versa, ou ça peut le faire aimer une personne, alors qu'auparavant, il ne l'aimait pas particulièrement. Donc ça peut séparer les gens ou réunir les gens. Ça peut faire tomber les gens malades. Ça peut même tuer une personne. Et deuxièmement, il y a la sorcellerie qu'on appelle l'illusionnisme. Donc on affecte le regard de la personne au point où il voit des choses mais qui ne sont pas réelles. Et parmi les preuves du sihr takhyili, l'illusionnisme, il y a dans le Coran l'histoire des sorciers de Fir'aoun. Qissatu saharati Fir'aoun. Qala Allah fa'alqaw amadha qala alqu falamma alqaw saharu a'yun an-nas wastarhabuhum. Wa qala Allah 'azza wa jalla فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Donc dans sourate Al-A'raf, verset 116, Allah Azza wa Jal nous parle de cette sorcellerie. Lorsque Moussa alayhi salam a débattu et a défié les sorciers de Pharaon, il leur a dit de jeter ce qu'ils avaient à jeter. Et lorsqu'ils se sont exécutés, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Voici une preuve, une seconde preuve, dans Surat Taha, le verset 66. Donc lorsqu'ils ont jeté leur bâton, on nous dit yukhayyalu ilayhi min sihrihim. Ils ont eu l'illusion de par cette sorcellerie qu'ils bougeaient. Waadih. Donc voici des preuves évidentes. Wa hadhihi al-aya aw hatan al-ayatan la tadullana ala la tadullani lana ala anna sihra husira fi at-takhyil. Donc al-mu'tazila ont utilisé ces versets pour dire qu'il n'y a pas de vraie sorcellerie. Ça n'est qu'illusion. Et ils ont utilisé ces versets. En effet, on tire de ces versets qu'il y a, parmi les formes de sorcellerie, l'illusionnisme. Néanmoins, il n'y a pas dans ces versets de restriction. On ne dit pas que la sorcellerie se restreint à cette forme. Pour preuve, il y a d'autres versets qui nous indiquent qu'il y a d'autres formes de sorcellerie. Aussi, les savants ont dit إذا ثبت أن له تأثيرا على أعين فما المانع أن تؤثر على غيري على غيرها من الأب من الأعضاء. Les savants également dit, à partir du moment où on affirme ici que cette sorcellerie a eu un effet sur le regard et sur les yeux des gens, qu'est-ce qui nous empêche de dire que la sorcellerie peut avoir un effet sur autre que les yeux, d'accord, sur les membres de la personne. أما الأدلة على أن السحر منه الحقيقي. Maintenant passons aux preuves qui démontrent qu'il y a une autre forme de sorcellerie, la sorcellerie qu'on appelle حقيقي, donc réelle. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم من شر نفاثات في العقد. Allah Azza wa Jal, dans la sourate que vous connaissez tous, Al-Falaq, nous dit contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Donc dans ce verset, on nous ordonne de chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre plusieurs choses. Et parmi ces choses-là, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. قال المفسرون هن السواحر. Les exégètes du Coran ont dit, il s'agit des sorcières qui ensorcellent donc les gens en faisant des nœuds et en soufflant dessus. Allah Azza wa Jal nous dit de chercher refuge, plutôt protection auprès de lui contre leur mal. Comme a dit Mujahid ou Ikrima, ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. ما وجه استدلال من هذه الآية؟ أمر الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ به من شر النفاثات. طيب وهي السواحر التي يعقدن في سحره فينثثن عليه ولولا أن السحر له حقيقة لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا. Donc ce qui prouve qu'il y a une partie de la sorcellerie qui est réelle, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans ce verset de chercher protection près de lui contre le mal des sorcières lorsqu'elles soufflent sur les nœuds pour ensorceler les gens. Et si la sorcellerie n'avait pas été réelle, ben Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aurait pas ordonné cela. C'est clair? طيب. قال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الله سبحانه وتعالى nous dit et ils apprennent ce avec quoi il sépare entre l'homme et son épouse. Et les gens apprennent ce avec quoi il sépare entre l'homme et son épouse. فأثبت الله سبحانه وتعالى هنا أن للسحر حقيقة وأنه سبب في التفريق بين المرء وزوجه. De ce verset, on tire que il y a une partie de la sorcellerie qui est réelle. Du fait qu'Allah Azza wa Jal ici a affirmé qu'il peut être une cause, donc la sorcellerie peut être une cause pour séparer entre deux bien-aimés, entre l'homme et son épouse. Entre l'homme et son épouse. وَمَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ لَا يَكُنْ سَبَبًا. Et si la sorcellerie n'avait pas été réelle ici, nous n'aurions pas pu dire que c'est une cause pour séparer entre les époux. Dans la sunnah, le hadith connu, رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريقة يقال له لبيد ابن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله إذن أثر فيه السحر أو أثر عليه السحر فله حقيقة. Donc, dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, dans lequel elle nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été ensorcelé par un homme de la tribu de Zurayq, qui se nomme Labid ibn al-A'sam, au point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait des illusions. Il pensait avoir fait une chose qu'il n'avait pas fait. Dans d'autres textes, on voit que c'est un rapport avec ses épouses. Il pensait avoir approché ses épouses par moment. Donc, il a été affecté par ce sort. Il est donc réel. Parmi les preuves également, toujours dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, من تصبح بسبع تمرات عجوى لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui mange 7 dattes, on appelle adjoua, chaque matin, sera préservé ce jour-là contre la sorcellerie et le poison, bien les piqûres d'insectes. Athbata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huna anna li sihr dararan وحث على الوقاية منه وأيضا قارنه بالسم وسم له حقيقة ويؤثر بإذن الله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que la sorcellerie avait un effet et pouvait nuire à la personne. Et il nous encourage dans ce hadith à faire les causes pour nous en préserver en mangeant cette date qu'on nomme Ajwa, c'est des dates de Médine connu. Également, il a cité la sorcellerie à côté du poison. Et le poison, c'est une réalité qui peut nuire à la personne par la permission d'Allah Azza wa Jal. Les savants ont dit, si nous n'avions pas lu ces textes dans le Coran et ces ahadiths dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, al-waqi' shahidun li dhalik. Ce qu'on voit, ce qu'on connaît et ce dont on a pu témoigner pour certains d'entre nous est la preuve que la sorcellerie a un effet réel. Combien sont les gens qui ont été touchés par la sorcellerie? Personne ne peut renier cette réalité. Une autre mas'ala, un autre point concernant la sorcellerie. هل يستطيع الساحر أن يقلب الأشياء كأنه مثلا يقلب إنسان ماذا إنسانا حمارا أو العكس. Une autre masala citée par les savants dans ce sujet. Est-ce que, donc nous avons tous compris que la sorcellerie se divisait en deux. Il y avait la sorcellerie qu'on appelle, il y a celle qu'on appelle haqiqi. Donc, il y a sihr al-haqiqi, celui qui est réel, et il y a celui qui affecte le regard des gens, et qui leur provoquent des illusions. Les savants, à la suite de cela, ont traité une question qui est: est-ce que le sorcier a la capacité de transformer les choses? Est-ce que le sorcier a la capacité, par sa sorcellerie, de transformer les choses? Par exemple, de transformer un homme en âne, ou bien de transformer une bête en humain, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a la capacité de faire cela ou pas? Les savants ont divergé dans cette question. وقال جماهير أهل العلم وجمهور أهل العلم كما ذكر الحافظ في الفتح لا يستطيع ذلك. La plupart des savants, donc les savants divergent sur cette question, et la plupart des savants ont dit que le sorcier n'a pas la capacité de faire cela. Le sorcier n'a pas la capacité de faire cela. Certes, Allah Azza wa Jal est omnipotent, ala kulli shay'in qadir. Mais est-ce que le sorcier, de par sa sorcellerie, peut transformer les choses? Non. Seul Allah tabaraka wa ta'ala a le pouvoir de faire cela. Ibn Uthaymin a également cité ماذا, cela, en disant que ça n'est pas possible. هذا خيال لا حقيقة له. Ils ont donc dit c'est de l'illusionnisme, ça n'est pas une réalité. حكم السحر. Quel est le jugement de la sorcellerie? Quel est le jugement de la sorcellerie? جمهور أهل العلم أطلقوا وقالوا السحر كفر بالله العظيم. La plupart des savants ont dit de manière absolue, en exprimant cette généralité, ils ont dit c'est de la mécréance. Le jugement de la sorcellerie, c'est de la mécréance majeure. Et par cette action, la personne sort donc de l'islam. Il y a un frère qui fait passer les livres, Kitab al-Tawhid. Veuillez les récupérer. Barakallahu fikum. Donc la plupart des savants ont dit que le sihr, le jugement de la sorcellerie, c'est du kufr, de la mécréance. لأنه لا يكون إلا عن طريقة الشياطين بصرف عبادة لهم أو إهانة شيء من الدين كان يمشي على المصحف والعياذ بالله أو يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو يكتب القرآن بدم المرأة والعياذ بالله. وهذه الأمور كفر بالله العظيم فلا يصل الساحر إلى الكفر ماذا إلى السحر إلا عن طريقة الكفر بالله العظيم فلا يكون السحر إلا كفرا بالله العظيم إذن. Donc c'est de la mécréance majeure. Pourquoi? Car la sorcellerie n'aura pas lieu si ce n'est en cédant des shayatines, des démons. Et le shaytan ne se mettra pas au service du sorcier sans avoir fait un pacte avec le sorcier. Le shaytan ne se mettra pas au service du sorcier sans faire un pacte avec lui. Quel est ce pacte? Le sorcier devra vendre son islam, devra vendre son tawhid contre les services du shaytan, wal'iyadu billah. Et quelle mauvaise vente! Donc le shaytan dira au sorcier: je ne t'aiderai point si ce n'est si tu fais pour moi telle chose et telle chose et telle chose. Quelles sont ces choses? Ces choses ne sortent pas du polythéisme majeur et de la mécréance majeure. Par exemple, il lui demande une adoration. Ramène une bête, ramène un mouton, ramène un bélier et égorge-le pour moi. Ou bien égorge-le pour un autre qu'Allah. Ou égorge-le au nom d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ceci à quel jugement? C'est du shirk akbar. C'est du shirk akbar. Ou il lui demande par exemple d'insulter Allah والعياذ بالله d'insulter رسول الله والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم où il lui demande, et c'est parmi les choses, le simple fait de le citer, c'est difficile. Que dire alors de le mettre en pratique, والعياذ بالله? Il lui demande d'écrire le Coran avec le sang des menstrues de la femme. Ou de prendre le Coran comme des chaussons et de marcher sur le Coran, والعياذ بالله. كيف لا مع هذه الأمور كيف لا يكون كافرا? Après avoir entendu cela, comment est-ce qu'on pourrait dire que ça n'est pas un kafir, le sorcier? Subhanallah. Donc le shaytan demande au sorcier, ou à celui qui veut être sorcier, à celui qui veut ses services, d'accomplir ses formes de mécréance. Donc il ne pourra y avoir de sorcellerie si ce n'est en passant par la mécréance. Donc quel est le jugement de la sorcellerie? C'est de la mécréance. قال آخر, d'autres parmi les savants ont dit, في تفصيل, ça dépend. On regardera les actions du sorcier. فمنه ما هو كفر ومنه ما لا يصل إلى حد الكفر بل هو فسق وظلم. Certains parmi les savants ont dit, ça dépend. Certaines formes de sorcellerie sont de la mécréance. Mais d'autres n'arrivent pas au niveau de la mécréance. Et ils ont donné des exemples en disant que ça n'arrivait pas au niveau de la mécréance, mais au niveau de la perversion, de l'égarement, de l'injustice, mais pas de la mécréance. Et ils ont fait cette distinction en regardant les actions des sorciers. Et en disant certains n'utilisent pas ماذا للشياطين et donne pas d'adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui recherchent l'aide auprès d'autre qu'Allah, qui demandent l'aide aux shayatin, qui font des actes de mécréance ou de polythéisme, ces gens-là sont des kuffars et cette sorcellerie a pour jugement el kuffar. Mais autre que, c'est ainsi qu'ils ont dit, autre que ont utilisé des médicaments. D'accord? Du poison. Sans qu'il n'y ait pour autant de la mécréance ni du polythéisme. Ceux qui ont eu le premier avis ont dit qu'on n'appellera pas cette deuxième catégorie sorcellerie si ce n'est, et je ne sais pas comment dire en français, tajawuzan. Et on va faire entrer cette catégorie dans la sorcellerie, mais en réalité, ça n'entre pas vraiment dans la définition de la sorcellerie. Et la preuve, vous l'avez entendu, c'est que la sorcellerie ne peut s'effectuer si ce n'est en passant par la mécréance. Le nafs, l'âme du sorcier, est khabitha, elle est mauvaise. Donc elle concorde avec l'âme du shaytan, qui est mauvaise également. Alors ils vont s'entendre sur une chose, ils vont travailler ensemble. Ils vont faire un pacte. Tu vas être à mon service, ou bien tu vas me rendre des services, et l'autre en face lui dit, tu vas faire ça pour moi. Tu vas insulter Allah. Tu vas insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas manquer de respect au Coran, au mushaf, et ainsi de suite. Et voici le but du shaytan. Et roi Bani Adam. Le but du shaytan, c'est quoi? Lorsqu'il a été viré, exclu de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, inscrit en enfer, il a pris l'engagement ferme d'égarer les fils d'Adam. Sauf ceux qui auront été élus parmi eux, les gens de la sincérité. Donc son but, c'est de faire sortir les gens de l'islam. Et il a réussi avec qui? Avec les Sahara. Quelles sont les preuves dans les textes qui nous montrent que le sihr, la sorcellerie est de la mécréance et que le sorcier est un kafir? Dans Surat al-Baqara, le verset 102, il y a 5 façons au minimum dans ce passage de démontrer que le sihr c'est de la mécréance. ou que le sorcier est un mécréant, kafir billah al-azim. Donc je vous lis le verset, puis on citera les preuves ou bien l'explication. قال الله عز وجل, donc toujours dans sourate al-Baqarah, c'est quel verset? 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ils suivent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman, alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, mais c'est bien les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, sans leur avoir dit au préalable, « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. » Ils apprennent auprès de ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit, il ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert donc ce pouvoir, la sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Reprenons ce verset de manière plus détaillée. قال الله وما كفر سليمان. La première preuve dans le verset, Allah Azza wa Jal nous dit « Et Suleyman n'a pas mécru. » En quoi ce passage nous prouve que la sorcellerie est du kufr et que le sahir est un kafir? « Wajul istidlal anna al-yahud nasabu hadha ila Suleyman. »« Nasabu al-sihr ila Suleyman. »« Fanafa Allah subhanahu wa ta'ala anhu al-kufra. »« Lianna nisbat al-sihra ila Suleyman nisbat al-kufr ilayh. » تعني نسبة الكفر إليه فقال الله وما كفر سليمان أي وما سحر سليمان فدل ذلك على أن ساحر كافر وأن سحر كفر ورحمة الله على علمائنا هذا استدلال قوي جدا وحفظ الله علمائنا الأحياء الله نجد القرآن سليمان n'a pas mécru. En quoi ce passage nous prouve que le sihr est de la mécréance et que le sorcier est un kafir? Allah Azza wa Jalla a dit « Suleyman n'a pas mécru » car les juifs avaient dit que Suleyman pratiquait la sorcellerie. Ils ont prétendu que Suleyman avait pratiqué la sorcellerie. Allah nous dit ici « Suleyman n'a pas mécru » pour innocenter Suleyman de ses accusations mensongères. Car le fait d'attribuer la sorcellerie à Suleyman revient à attribuer quelque chose à Suleyman, la mécréance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit ici littéralement, et Suleyman n'a pas mécru. En nous disant ici, Suleyman n'a pas pratiqué la sorcellerie. Donc on comprend que la pratique de la sorcellerie est la pratique de quoi? De la mécréance. Donc celui qui fait et pratique la sorcellerie a fait et pratiqué quoi? La mécréance. C'est donc un kafir. Deuxièmement, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal nous dit, toujours selon la traduction approximative, mais ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la magie. Mais ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la magie, la sorcellerie. كَفَّرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَذَكَرَ عِلَّةَ تَكْفِيرِهِمْ. Mahi, annahum yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dans ce passage, Allah Azza wa Jal a rendu mécréants ces gens-là, les shayatin. Quelle est la cause? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a rendus mécréants? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ Ils enseignent aux gens la sorcellerie. قال العلماء ذكر الوصف بعد الحكم يشعر بالعلية ذكر الوصف بعد الحكم يشعر بالعلية ولا يكون تعليم شيء كفرا إلا إذا كان الشيء كفرا. Donc dans ce passage Allah Azza wa Jal a rendu mécréant ces shayatins. Et il nous cite que la cause de leur mécréance est le fait qu'ils aient enseigné aux gens la mécréance. Donc on nous dit, les shayatins ont mécru. Et on y dit juste après, ils enseignent aux gens la sorcellerie, la magie. Pourquoi nous avoir cité, ils enseignent aux gens la sorcellerie? Pour nous indiquer pourquoi est-ce qu'ils ont été rendus mécréants. On comprend de cela que d'enseigner aux gens la sorcellerie est de la mécréance. Et l'étude d'une chose ne peut être mécréance, qualifié de mécréance, si ce n'est si cette chose elle-même est de la mécréance. Troisièmement, donc dans le même contexte, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَلَا تَكْفُرْ. Donc troisièmement, il n'enseigne cela à personne si ce n'est en leur disant, nous ne sommes qu'une tentation, ne mécrois pas. Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. إذن هذا الفعل هو كفر وإذا أقدمت عليه صرت كافرا. Donc on comprend ici que cette action est de la mécréance. Et si on la met en pratique, on tombe dans la mécréance. On tombe dans la mécréance. إنما نحن فتنة فلا تكفر. Ne tombe pas dans la mécréance, ne sois pas mécréant. On comprend quoi? Que de faire cela fait tomber la personne dans quoi? Dans la mécréance. A'adhana Allah wa iyyakum min hadha. Quatrième preuve dans ce même verset. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ay nasibun wa hadd. Wa man la khalaq lahu fil akhirah, ma hukmu? Kafir. من الذي لا نصيب له في الجنة؟ من الذي لا نصيب له البتة في الآخرة؟ إنما هو الكافر الذي خرج عن الدين بالكلية. إذن الساحر كافر لا نصيب له في الآخرة إن مات على ذلك. Ensuite on nous dit, et les gens, نعم, ils savent très certainement que celui qui acquiert, ou plutôt, avant ça, نعم. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert, donc la magie, n'aura aucune part dans l'au-delà. Donc celui qui prend la sorcellerie n'aura aucune part dans l'au-delà. Quel est celui, qui est la personne qui n'a aucune part de manière absolue dans l'au-delà? Qui est-ce qui n'a aucune part fil Jannah? C'est le sorcier. Pourquoi? Parce que c'est un kafir. Tout kafir n'a aucune part dans l'au-delà. El muslim, quelle que soit sa désobéissance et quel que soit son éloignement, s'il meurt sur l'islam, il aura une part fil Jannah. Et on a souvent lu le hadith du dernier qui entrera fil Jannah. Il aura une grande part, subhanallah, alors que c'est le dernier. Et il pensera avoir eu ce que personne n'aura, n'a eu avant lui. Alors que c'est le dernier à entrer fil Jannah. Allah musta'an. Cinquièmement, قال Allah, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. Puis on nous dit, وَلَوْ أنهم آمنوا. Et si seulement ils avaient eu la foi. Et si seulement ils avaient eu la foi. Ça c'est dans le verset 103. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Donc, et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certainement meilleure si seulement ils savaient. Donc dans ce verset, on nous dit s'ils avaient eu la foi. Et on ne peut dire à quelqu'un s'il avait eu la foi, sauf dans un seul cas. C'est pour qui? Si c'est un kafir. Tu dis pas d'une personne musulmane si seulement il avait cru, si seulement il avait eu la foi. Tu dis plutôt s'il avait une voix ferme. Donc dans ce verset, il y a cinq preuves qui nous montrent que la sorcellerie est bel et bien de la mécréance et que le sorcier est un kafir. Ça, c'est juste dans le verset 102 et 103 de Sourate Al-Baqarah. Ensuite, dans le Coran, il y a plusieurs preuves. Ajoutons la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Taha, le verset 69. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Et le sorcier ne réussira jamais où qu'il soit. Et le sorcier ne réussira jamais où qu'il soit. Et quand tu entends ce verset, tu t'étonnes de voir des gens chercher la réussite auprès des sorciers. Subhanallah. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous indique dans le Coran que le sorcier lui-même ne réussira jamais. Non seulement il ne réussira jamais, mais où qu'il soit. وَالْغَالِبُ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ نَفْيَ الْفَلَاحِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي مَا هُوَ كُفْرٌ وَمَنْ كَفَرٌ. Et en général, et dans la plupart des ayahs du Coran où on renie la réussite pour des gens, ben il s'agit des kuffars. Et il s'agit d'un sujet ayant attrait à la mécréance. كما الله عز وجل نودي في سورة يونس verset 69-70 قل إن الذين يفترون الكاذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Donc نفي الفلاح غالبا يأتي في القرآن في حق الكافرين. Donc dans ce verset de sourate طه, on nous informe que le sorcier ne réussira jamais. Il n'obtiendra jamais la réussite où qu'il soit. Et en général, lorsqu'on dit de personnes qu'ils n'auront jamais la réussite, il s'agit des koufars. Dans Sourate Yunus, Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui profèrent des mensonges ne réussiront jamais. Ils ont une part dans ce bas monde. Puis leur retour se fera vers nous. Puis ils goûteront, nous leur ferons goûter à un châtiment douloureux de par la mécréance sur laquelle ils étaient. Donc ici on a renié la réussite et on cite à la fin du verset qu'ils étaient dans la mécréance. Tout cela, mes chers frères, waffaqanallahu wa iyyakum, nous enseigne quoi? Que le sihr, la sorcellerie, c'est haram. Que le jugement du sihr, c'est le kufru billahi al-azim. Que le sorcier, akhbathun nas, c'est la pire des personnes. Que le sorcier, c'est un kafir billahi al-azim. Et que pour être un sorcier, il a vendu son islam pour avoir les services du shaitan. Donc c'est une grande mise en garde contre la sorcellerie. وعلينا أن نجتهد في الدعاء ضد هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض. Et le musulman doit faire beaucoup de dua contre les sorciers, ceux qui sèment le désordre sur la terre. À combien de gens est-ce qu'ils ont fait de mal? Combien ils ont séparé entre les époux? Combien ils ont causé de divorces, de maladies? Combien ils ont répandu le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal? Combien est-ce qu'ils ont fait sortir les gens de l'islam? Combien est-ce qu'ils ont dupé les ignorants? Haoula humus sahara. Alayhim min Allah ma yastahiqoun. Wa as'alullah azza wa jalla al-qawi al-aziz ayantaqima min haoula al-mujrimin. On demande à Allah azza wa jalla de purifier les rangs des musulmans des sorciers et de leur donner ce qu'ils méritent dans ce bas monde et de les châtier sévèrement dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'éloigner les musulmans de leurs nuisances et de guérir toute personne touchée par une sorcellerie et de lui accorder la guérison après la maladie et l'endurance dans cela. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ قَالَ الْمُؤَلِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ou bien وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ. L'auteur a commencé par ce bout de verset de sourate Al-Baqara. Allah nous dit, et ils savent très certainement que celui qui acquiert, entre parenthèses, ce pouvoir, n'aura aucune part dans l'au-delà. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert cela n'aura aucune part dans l'au-delà. وَلَقَدْ عَلِمُوا أَيْ الْيَهُودُ لَمَنْ اشْتَرَى أَيْ أَخَذَ السِّحْرَ عِوَضًا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله العزيز يعني بدل التوحيد بهذا ما له في الآخرة من خلاق من خلاق قال ابن عباس نصيب أي حظ. ومعنى الآية علم أهل الكتاب خاصة اليهود أن من تعلم السحر وعمل به أو رضي عنه عوضا عن شرع الله وباع إسلامه للسحر ما له نصيب في الآخرة عند الله. Donc, ils ont très certainement su, c'est-à-dire les gens du livre, que celui qui achète cela, qui acquiert cela, et ici, on a le mot la manishtara. C'est comme si on voulait nous faire, on nous montre une image. Une vente et un achat. Parce qu'il y a un échange. Lorsqu'il y a de la sorcellerie, il y a un échange. Il y a un pacte. Entre qui et qui? Entre deux khabith. Entre deux personnes parmi les pires personnes. Entre deux êtres parmi les pires. Qui sont-ils? Un shaitan et le sorcier. Quel est le but du sorcier? Ad-dunya. Quel est le but du shaitan? Égarer le fils d'Adam. Lorsque les sorciers sont venus, et que après que Pharaon les ait convoqués, Pharaon leur a demandé leur service. Qu'ont demandé les sorciers? Hein? Est-ce qu'on aura une part auprès de toi si on gagne contre Moussa? Ils ont demandé quoi? Ad-dunya. Donc le but du sorcier c'est quoi? C'est ad-dunya, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Ils prétendent avoir du pouvoir. Ils prétendent pouvoir te rendre ce que tu as perdu. Ils prétendent pouvoir te donner les choses alors qu'ils te demandent d'égorger pour un poulet. Ils n'arrivent pas à acheter un poulet. Et tu penses qu'ils vont t'aider? Ils n'ont pas réussi à préserver le tawhid. Ils vont te donner à toi le bonheur? Ils n'ont pas réussi à eux être heureux. Tu crois qu'ils vont te donner à toi le bonheur? As-sa'ada biyadillah. Le bonheur se trouve auprès d'Allah. As-shifa biyadillah. La guérison est auprès d'Allah Azza wa Jal. Al-afiyah. Tout le bien auprès d'Allah Azza wa Jal. Et tout le mal se trouve auprès des sorciers. Auprès du sorcier, tu peux trouver que le mal. Ihdharhum wa hadhir minhum. Prends garde à ces gens. Ce sont des gens qui ont vendu leur bien, ad-din, pour le mal, wa khidmatu shayatin. Il n'y a aucun bien auprès d'eux. Il n'y a aucun bien auprès de tout ce que tu recherches comme bien se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc dans ce verset, on nous enseigne que ces gens-là ont su qu'en prenant la sorcellerie aux dépens du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la religion d'Allah azza wa jal, il n'y avait aucune part pour eux dans l'au-delà. Khalaq, c'est-à-dire nasib, c'est-à-dire une part. On tire de ce verset. Et l'auteur a cité ce verset, car on y voit que celui qui prend la sorcellerie n'a aucune part dans l'au-delà. Et celui qui n'a aucune part dans l'au-delà, c'est un kafir. Donc on voit la gravité de la sorcellerie et le jugement du sorcier. Puis il nous cite un second verset, rahimahullah ta'ala, wa qawluh, yu'minuna bil jibti wa ta'arut. Allah dit, Et ils ont foi en la magie, ou plutôt à l'Égypte et au Tarout. Ils ont foi au Égypte et au Tarout. Ceci est déjà passé dans le livre. Allaqa amadha. Plutôt on continue. Qala Omar radiallahu anhu al-Égypte al-Sihr. Et ma ma'na al-Égypte al-Sihr. Wa Tarout al-Shaytan. Puis l'auteur nous cite la parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Khalifatul Muslimin. Omar dit, Al-Jibd, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Et Al-Tarout, c'est Al-Shaytan. Donc Omar ibn al-Khattab a expliqué ce passage du Coran en ces termes. Allaqahu al-Bukhari, fi sahihi, wa awsalahu ghayruh. وقال ابن حجر سنده قوي. Donc l'imam al-Bukhari a cité ce texte de Omar radiallahu anhu mu'allaqan, et d'autres l'ont cité avec le sanad. Ibn Hajar nous dit que la chaîne de ce texte est bonne et forte. Donc al-Jibd a été expliqué par Omar al-Khattab et d'autres parmi les pieux prédécesseurs comme étant al-sihr. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset? Car l'explication du mot al-jibd est al-sihr, la sorcellerie. Donc, et al-tarut, on en a déjà parlé, c'est min al-turya, mujawazatul had. Al-tarut, c'est dans la langue arabe le fait de dépasser les limites. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a donné comme définition pour al-tarut: ما تجاوز بالعبد حد من متبوع أو معبود أو مطاع. Les savants disent que c'était la meilleure définition et la plus générale. Et ici, Omar ibn al-Khattab a fait un tafsir qui est connu chez les plus prédécesseurs et qui est agréé par les savants de l'islam. C'est ce qu'on appelle التفسير ببعض أفراده, التفسير بالمثال. Donc t'expliques une chose en citant un exemple, ou en citant la partie la plus connue, ou en citant une part. C'est une des façons d'expliquer le Coran, de faire l'exégèse du Coran. Fa'illa al-jibd. Donc al-jibd, c'est un sihr. Et plus général que ça, on a déjà expliqué al-jibd. Qu'est-ce qui nous rappelle les trois mots qu'on a cités pour expliquer al-jibd? Al-kuhan, donc les voyants. Qui d'autre? Al-Asnam, jazakallahu khayran, les idoles. Et ici, la troisième, c'est quoi? Al-Sihr. D'accord? Donc Al-Jibd est utilisé pour ces termes. Al-Shahid, anna min ma'ani al-Jibd, al-Sihr. Hadi l'aya, jaa fi siyaqin, ma'da fi siyaqin dhammi ahli al-kitab, li tasdiqihim al-Sihr. فتصديق السحر السحر عفوا ليس من شأن الموحدين المسلمين المتمسكين بالدين فأهل الإسلام متصفون بخلاف ذلك يعرضون عن السحر. Donc dans ce passage, Allah tabaraka wa ta'ala blâme les gens du livre du fait qu'ils ont reconnu la sorcellerie, affirmé et pratiqué la sorcellerie. Particulièrement le peuple de Moussa alayhi salam. Et comme vous le savez, chaque prophète est envoyé, ou la plupart des prophètes sont envoyés avec un miracle d'Allah azza wa jal, qui a un rapport avec ce dans quoi excelle ce peuple. Ils excellaient dans quel domaine, le peuple de Moussa? La magie. Alors Moussa alayhi salam est venu avec quoi? Avec le bâton. Et les a mis en déroute. Également, par la permission d'Allah azza wa jal, en tapant de son bâton la mer, que s'est-il passé? Elle s'est ouverte et lui a frayé un chemin. 12 chemins. Et il y avait combien de tribus chez Banu Israël? 12. Et ça, c'est un grand miracle d'Allah Azza wa Jal pour voir la véracité de la prophétie de Moussa alayhi salam. Donc, Allah Azza wa Jalla a blâmé ceux qui ont cru à la sorcellerie. Donc, les gens du Tawhid sont différents de ce qu'on lit ici. Ils ne sont pas dans la sorcellerie, ils ne pratiquent pas la sorcellerie. Ils se dirigent plutôt vers Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes leurs affaires. Donc, ces deux versets nous ont démontré, nous ont montré l'interdiction de la sorcellerie. Le jugement de la sorcellerie, la mécréance, et que ce n'est pratiqué que par des gens qui sont dans la mécréance. Nastafid min al-aya, on tire de ce verset, tahrim al-sihr, l'interdiction de la sorcellerie. On tire également la mécréance de celui qui pratique la sorcellerie. Et la grande menace à l'égard de ceux qui apprennent et mettent en pratique la sorcellerie. Wal'iyadu billah. La grande menace à l'égard de celui qui choisit la sorcellerie et se détourne du livre d'Allah et du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, c'est un athar de Jabir. Wa qal Jabir, radiallahu anhu, at-tawaghit kuhanun, kana yanzilu alayhimu shaytanu fi kulli hayyin wahid. Jabir, radiallahu anhu, a dit, les tawaghit, tawaghit c'est le pluriel du mot tawaghit, sont les devins, les voyants, chez qui le shaytan descendait. Al-murad bi shaytan huna, la naqsud iblis bidati, bal jins shayatin. Donc ce qui est voulu ici par le shaytan, c'est des shayatin, pas iblis tout particulièrement. Donc, Jabir a expliqué lui aussi, al-tawarit bi ba'di afradi, par une de ses parties, par un exemple, en disant, كهان الكهان الكاهن جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل عما في ضمير. Donc الكهان, c'est le pluriel du mot كاهن, ce sont ceux, en français on traduirait par voyant et devin, par voyant et devin, ce sont ceux qui prétendent pouvoir informer des choses futures, ce sont ceux qui prétendent pouvoir informer des choses dans le futur ou du futur. Kana yanzilu, qui descendait, alayhimu shaytan, sur lesquels descendait al-shaytan, c'est-à-dire les shayatin. Fi kulli hayyin. On a vu ce mot dans un hadith passé. Que signifie hayy ici? Naam? Qabila, ahsanallah ilayk. Ma zanantuka annaka tajid al-jawab. Allahumma barik. Ici, le sens de hay, c'est tribu. Je lui dis en arabe, je ne pensais pas que tu réussiras à trouver la réponse. Mais Allah Azza wa Jalla t'a facilité. Allahumma barik. Fi kulli hayyin wahid. Donc, dans chaque kabila. Donc, Jabir nous dit que tawarit, que Naam et tawarit sont les devins chez qui le diable descendait et cela dans chaque tribu. Dans chaque tribu, on en trouvait un. Et sachez que dans le Jahiliyyah, ils avaient une grande place, les devins. On revenait même à eux lorsqu'on divergeait. Wal'iyadu billah. Subhanallah. Lorsqu'on est loin du tawhid, et lorsqu'on est loin du livre d'Allah Azza wa Jalla et du suivi des prophètes, on peut faire des choses qui sortent de la raison. Comment revenir au plus grand menteur dans la société et le prendre comme juge? Subhanallah. Ils prétendent savoir ce qu'il va se passer demain. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir eux. Ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber malades. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir tel problème. Et vous pensez qu'ils vont pouvoir savoir ce qui va vous arriver à vous? S'ils avaient su les choses du futur, aucun mal ne les aurait touchés. Ils n'auraient pas eu besoin d'un coq pour manger, ni que tu lui donnes de l'argent ou autre pour ses services. Wal'iyadu billah. Ils auraient été riches. Ce sont des gens qui n'ont aucune pudeur et qui ne suivent aucun livre. Ils auraient joué au loto ou je ne sais pas quoi. Sahih. Alors que tu les vois faire la manche et demander un poulet. Sahih. Égorge pour moi un poulet et donne-moi le poulet. Fahimt? Hakadha yaf'alou. Et ils prospectent et ils mettent des prospectus dans les boîtes aux lettres. Le grand médium, le grand devin, le grand kaza, tellement grand qu'il a besoin de 5 euros, qu'il a besoin d'un poulet, qu'il a besoin. Haoula, yani kazzaboun, affakoun. Ces gens-là sont des menteurs. Ces gens-là sont des trompeurs. Ce sont des gens qui n'ont aucune pudeur. Et parmi les choses les plus étonnantes, c'est qu'ils, yani leur manque de pudeur a atteint une bassesse telle qu'ils disent règle tous les problèmes. Yani tous les problèmes. Pas juste problème d'argent, problème maza, conjugal, non, tous les problèmes. Allahu Akbar. Nous disons que celui qui règle tous les problèmes, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure créature, c'est qui? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, on ne dit pas de lui qu'il peut régler tous les problèmes. Sahih? Eux ont affirmé cela pour des devins. Subhan al-Malik. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ahli al-tawhid. On remercie Allah Azza wa Jal qui a fait de nous des gens de l'islam, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Sinon, vous écoutez la bêtise dans laquelle on aurait pu être sans la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan, nastafid min hadha anna sahir. Kafir, l'annahu yasta'in bi shayatin. On tire également de ce texte que le devin et le sorcier est un mécrant du fait qu'il recherche l'aide des absents, en l'occurrence ici des shayatin. Et vous avez entendu tout à l'heure que il ne se met pas à leur service sans un pacte entre eux. Donc sans qu'ils ne fassent un acte de mécréance. Wal'iyadu billah. Puis l'auteur nous a cité le hadith de Abi Hurayra. An Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulallah, wa ma hum? Qala ash-shirku billah was-sihru wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanat. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu, ou plutôt le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: éloignez-vous des sept péchés capitaux, des sept péchés qui causent la perte de l'homme. Les compagnons demandèrent au messager d'Allah: quels sont-ils? Il répondit: le polythéisme, la sorcellerie, tuer injustement une âme rendue sacrée par Allah, prendre le fruit de l'usure, riba, spolier un orphelin de ses biens, fuir le jour de la bataille et accuser faussement les femmes chastes, innocentes et croyantes. هذا حديث عظيم مليء بالفوائد كبقية أحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. Voici un hadith rempli de science comme l'ensemble des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم, dans lequel il nous dit: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي ابتعدوا, وهذا أبلغ من الترك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a donné un ordre ici, lequel: éloignez-vous. Et cette formulation utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus d'impact que s'il avait dit délaisser. Parce que dans l'éloignement, il y a le délaissement et plus encore. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de délaisser et de nous éloigner de ces sept choses qui vont être citées ici. Et les a citées de manière générale en disant: éloignez-vous, ijtanibu sab'al mubiqat, des sept, ce chiffre-là, n'a pas pour but de citer une liste exhaustive. 7, c'est le nombre cité ici. Sinon, il y a d'autres péchés qui entrent dans le mubiqat, dans d'autres ahadiths. Mais ici, il attire notre attention sur cette chose-là. الموبقات جمع موبقة الموبقات أي المهلكات. Quel est le sens de الموبقات؟ المهلكات littéralement ce qui cause l'anéantissement de la personne. C'est plus parlant ainsi. Ce qui cause l'anéantissement de la personne. Subhanallah. وسميت بموبقة لأنها تهلك من عمل بها. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cela al-mubiqat? Car ce péché anéantit celui qui tombe dedans. En général. في الدنيا والآخرة. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'ont fait les compagnons lorsqu'ils ont entendu la gravité de cette chose-là? Qu'ont-ils fait? Naam. Ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ahrasu an-nas ala talib al-ilm. Man hum? As-sahaba. Khafu ala anfusihim. Wa aradu nasah al-mujtama'. Fasalu kay yattaqu ash-sharr. وَيُحَذِّرُ مِنَ الشَّرُ هَكَذَا يَفْعَلْ مَنْ وُفِّقْ. Les compagnons, après avoir entendu la gravité de ces sept choses, ne se sont pas tus. Mais ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont ces sept péchés qui causent l'anéantissement de la personne en général au messager d'Allah? Et de cela, tu tires une grande information. C'est que celui à qui Allah accorde la réussite, lorsqu'il entend une chose grave, il questionne à son sujet. Lorsqu'il craint un mal, il l'apprend pour pouvoir s'en prémunir. Car celui qui ignore une chose, comment est-ce qu'il pourrait l'éviter? Celui qui ignore une chose, comment est-ce qu'il pourrait l'éviter? Il ne pourra pas. Et il pourra même tomber dans cette chose et prôner cette chose en pensant faire le bien. En pensant faire le bien. Et ça nous montre que les compagnons étaient ceux qui recherchaient le mieux la science et le plus la science. Et qu'ils ne se sentaient pas à l'abri. Ils ne se sentaient pas à l'abri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, « Qala ash-shirku billah. Wa la kan taqul ash-shirka billah. » Yani, بالرفع هن أو هي الشرك بالله وبالنصب اجتنبوا الشرك بالله والسحر وبالرفع هن أو هي الشرك بالله والسحر وإلى آخر الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, le polythéisme Ash-shirk. Donc quels sont les sept péchés qui anéantissent la personne? Ash-shirk. Il a commencé par quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Ash-shirk. Pourquoi? Naam. Li'annahu. Parce que c'est le pire péché. Barakallahu fi. Li'annahu akbarul kabair. Wa azlamu al-zulm. Wa man waqa'a fi. Wa lam yatub qabla mawtih. Mukhfahwa mukhalladun finnar. La yadkhul al-jannata abada. وبئس المصير النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a commencé par la sorcellerie, par le polythéisme. Pourquoi? Il y a sept péchés et il a commencé par le shirk. Pourquoi? Car c'est le pire péché. C'est le pire péché, le plus grave, la plus grande désobéissance par laquelle Allah azza wa jalla fut désobéi. C'est la chose qui cause l'anéantissement de la personne en premier lieu. Et celui qui meurt sur ça va en enfer éternellement. N'a aucune part au paradis. Il s'éternisera en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wassihr et la sorcellerie. En deuxième position, il a cité la sorcellerie. Wa hadha min bab dhikr الخاص بعد العام. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام عطف الخاص على العام لخطورته لا على أن السحر ليس من الشرك puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et la sorcellerie donc éloignez-vous du shirk parmi les péchés qui causent l'anéantissement de la personne il y a le shirk il a cité ensuite la sorcellerie nous avons cité auparavant que le sihr était du shirk et était du kufr. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité un shirk, a dit un sihr? Qu'est-ce qui nous explique cela? Naam. Pour montrer la gravité du sihr parmi les formes de polythéisme. Barakallahu fik. D'accord? Pour montrer la gravité de la sorcellerie. Donc c'est comme si le sihr avait été cité deux fois. Une fois de manière générale dans le shirk, et une fois de manière particulière pour attirer notre attention sur la gravité de cette forme de shirk. C'est compris? Donc on doit parler de manière toute particulière. Dans les cours, dans le khutbah, dans les maisons, et ainsi de suite. Car beaucoup sont les gens qui vont se rendre auprès des sorciers, soit par ignorance, soit par désespoir, et d'autres causes qui n'excusent pas la gravité de cet acte. Donc pour conseiller à la population, il nous faut citer ce péché et mettre en garde contre ce péché. Et ne pensez pas que le sorcier n'a pas de repentir. Le sorcier peut se repentir. Et celui qui est parti voir aussi les sorciers peut se repentir. Et Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَوِ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ » ألم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله n'a-t-il pas dit en Coran dis à ceux qui ont mécru s'ils arrêtent on leur pardonnera ce qui est passé donc on s'adresse subhanallah à qui à ceux qui ont mécru même le kafir même le mushrik s'il revient vers Allah il délaisse le kufr il délaisse le shirk il se repent il trouve la porte de la miséricorde ouverte. Et Allah Azza wa Jal accepte son repentir. Wa huwa arhamur rahimin. Et combien sont ceux qui ont vécu une grande partie dans le kufr et dans le shirk, puis ils sont venus, ont prononcé l'attestation de foi et sont sortis des ténèbres vers la lumière. Ils sont sortis de la mécréance vers l'islam. Du shirk vers at-tawhid. À l'image de notre cher frère, rappelle-moi ton prénom, Marvin. Marvin, tu t'es converti à combien de temps? Ça se compte en minutes? Il y a 1h20. D'accord? Et tu as dans les mains quel livre? Le livre de... Lis plus loin. Le livre de l'unicité. Tu sais ce qu'est l'unicité, Marvin? Tu vas venir à la mosquée pour apprendre ce qu'est l'unicité. Mais en deux mots, Marvin, hafidhakallah, sache que l'unicité, c'est ce pour quoi tu as été créé. Sache que l'unicité, c'est ce par quoi tu vas rentrer au paradis par la grâce d'Allah. Sache que l'unicité, c'est ce par quoi Allah Azza wa Jal t'efface tes péchés. Ce par quoi ton cœur se remplit de foi. Ce par quoi tu vis dans ce bas monde une vie heureuse. Et ce par quoi dans l'au-delà tu rentres au paradis éternellement et tu n'en sors plus. T'as compris ce qu'est le tawhid? Le tawhid, c'est la ilaha illallah. Et la ilaha illallah signifie le fait de rejeter le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Et affirmer que le seul qui mérite d'être adoré, c'est qui? Alhamdulillah, Marvin t'apprend très vite. Il y a cours tous les jeudis, vendredis et samedi, mais pas ce samedi-là. Après Salat al-Asr, et tu es la bienvenue. Barakallahu fik. D'accord? Hafidhakallah. Il faut que tu apprennes bien le tawhid. Parce qu'on a besoin de gens comme toi pour prendre ma place et la place de beaucoup d'autres. Et il y a plein de places libres. D'accord? Hafidhakallah. T'as quel âge, Marvin? 18 ans. Allahu Akbar. Ton âge m'a fait vieillir d'un coup. Voyez. Rire, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge ta vie dans le tawhid. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il te comble de ses bienfaits et nous avec dans ce bas monde et l'au-delà. Nous a distrait du cours Marvin. Aslahakallah. خير. هذا هو الشاهد. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre pour ce mot-là, wasihr? Car dans ce hadith, on voit que la sorcellerie fait partie des sept péchés qui anéantissent la personne. Donc l'auteur a cité ce hadith car on voit que le sihr, la sorcellerie est interdite. Deuxièmement, que ça fait partie des grands péchés. Troisièmement, que ça fait partie des pires péchés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Troisième péché qui anéantit la personne: le fait de tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée. Le fait de tuer injustement là une âme rendue sacrée par Allah subhanahu. أي بدون ما يوجب ذلك. وأكل الربا, le fait de manger l'usure, le fruit de l'usure, les intérêts usuaires, si c'est ainsi qu'on dit. يعني أخذه وتناوله وعبر هنا بالأكل لأنه أكثر ما يستعمل ما ماذا يستعمل الربا فيه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه تصرفه. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de, le fait de manger le fruit de l'usure. Pourquoi est-ce qu'il a dit manger? Est-ce que ça veut dire que celui qui construit une maison c'est halal? Mais de manger c'est haram. Celui qui achète des vêtements c'est halal, mais de manger c'est haram. C'est ça le sens? Non. On a cité le fait de manger car la plupart du temps c'est utilisé mada afin de se nourrir. Voilà, c'est compris. Et c'est pareil pour ce qui va suivre. Akluma lil yatim. Wa akluma lil yatim, le fait de spolier les biens de l'orphelin. Ici on a dit le fait de manger les biens de l'orphelin. Pourquoi est-ce qu'on a dit manger? Est-ce que celui qui prend les biens de l'orphelin pour se construire une maison, pour acheter mada, des vêtements, acheter une voiture et autres, c'est halal? Mais si c'est pour acheter à manger, c'est haram? Ça ne veut pas dire ça. Mais l'explication qu'on a dit pour akl riba, c'est la même pour akl mal aliyatim. Est-ce que c'est compris? Et parmi les fatawas graves, fausses, provenant d'égarés, égareurs, le fait de dire qu'on peut prendre un crédit pour acheter une maison. Par exemple, tu vis dans la cité, c'est difficile pour éduquer tes enfants et c'est ce genre de paroles. Donc, tu fais un crédit avec des intérêts et tu achètes une maison, je sais pas où. D'accord ? À la campagne et, ou je ne sais pas où dans le 16e. Voyez, Mada, comme si c'est dans le 16e, tu vas éduquer tes enfants à la sunna. Allah musta'an. Voyez, Mada, barakallahu fikum, cette fatwa elle est batila. Parce qu'elle vient à l'encontre de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran. Elle vient à l'encontre de ce que le prophète Azza wa Jalla nous dit dans la sunna. D'accord. Donc riba c'est haram, mais en plus de ça c'est min akbar al kaba'ir et c'est min al mubiqat. Comment est-ce que tu peux dire toi aux gens maintenant, non mais dans ce cas-là c'est pas grave, tu peux le faire? Ama takhaf Allah? T'as pas peur d'Allah Azza wa Jalla yawm al qiyamah lorsque tu vas arriver? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire yawm al qiyamah si t'as dit ça aux gens? Allah Azza wa Jalla t'as dit dans le Coran qu'il ne faut pas prendre riba. Et si tu délaisses pas riba, attends-toi à recevoir la guerre de la part d'Allah Azza wa Jalla de son message. Le prophète sallam te dit ici al-mubiqat, ay al-muhlikat. Et après ça, on va dire aux gens, non mais dans ce cas-là, c'est pas grave, dans ce cas-là, c'est pas grave. Ma'alish, ad-din yusr. Ad-din yusr wal yusr fi ad-din. Naam. La religion, c'est la facilité. Et la facilité, elle est dans la religion, pas en sortant de la religion, en prenant des règles qui sont en dehors de la religion. Là, la facilité, c'est de faire ce qu'Allah nous a dit. La facilité, c'est de faire ce que le prophète sallam nous a dit. Et la complication et la dureté, c'est de désobéir Allah Azza wa Jal. Ça, c'est compliqué, ça, c'est dur, et ça ramène les complications, et ça ramène un châtiment dur dans l'au-delà. وَفَقَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ الْيَتِيمِ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُ الْيَتِيمِ, l'orphelin, la définition de l'orphelin, est celui dont le père est décédé avant qu'il atteigne, avant que l'enfant n'atteigne l'âge de la puberté. D'accord ? Ou plutôt la puberté. Qui est l'orphelin dans l'islam ? C'est celui qui a perdu son père, dont le père est décédé et mort, alors que lui n'est pas pubère. Est-ce que c'est compris ? Quelqu'un qui a 16 ans, son père décède, est-ce qu'on dit de lui que c'est un orphelin ? Non, parce qu'au maximum, la puberté, c'est à quel âge ? 15 ans révolus. D'accord ? Al-yatim, donc celui qui perd sa mère, celui dont la mère décède, mais qui a son père, et il a par exemple 7 ans, est-ce qu'on dit de lui que c'est un yatim ? Non. Donc le yatim, c'est qui ? C'est celui qui perd son père alors qu'il n'est pas encore pubère. Est-ce que c'est compris ? Le mot al-yatim vient du mot al-yutm. Al-yutmu. وَهُوَ الْإِنْفِرَادِ أَيْ انْفَرَدَ هَذَا عَنْ مَنْ يَكْتَسِبُ لَهُ. Pourquoi est-ce qu'on appelle yatim yatim? Parce que ça vient du mot al-yutm. Al-yutm, c'est le fait d'être de côté. Comment est-ce qu'on va traduire? Le fait d'être mis à l'écart. Ahsant, barakallahu fik. Mis à l'écart. Être mis de côté. Être à l'écart. Pourquoi ? Car le yatim, l'orphelin, celui qui, à la base, travaille pour le nourrir, d'accord ? S'est éloigné de lui. Vous avez compris ? Celui qui, donc le père, al-yaktasib, d'accord ? Il a été, le mot que je cherchais, c'est le fait d'être esselé. C'est comme ça qu'on dit en français ? Le fait d'être esselé, parce qu'il a été mis dans un endroit et son père dans un autre endroit, alors que son père était celui qui à la base recherchait la subsistance pour le nourrir, pour le vêtir et ainsi de suite. Ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a particulièrement attiré notre attention sur al-yatim, sur l'orphelin. Pourquoi ? Li'anna al-yatim awla an yurham. Parce que le yatim, il a perdu son père. Il est donc plus à même de recevoir notre pitié et notre miséricorde. Également parce que l'orphelin ne trouve pas ceux qui vont le défendre. D'accord ? L'orphelin ne trouve pas, ou l'orpheline, bien sûr, ne trouve pas ceux qui vont les défendre. Il n'a pas son père qui est fort, qui va se lever pour lui, qui va le défendre, et ainsi de suite. Allah musta'an. Donc on doit avoir de la rahma envers ces gens-là. Il y a de nombreux textes. Allah Azza wa Jalla nous facilite à les étudier et les mettre en pratique. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Watawalli yawm az-zahf » le fait de se sauver le jour de la bataille. C'est-à-dire le rang des musulmans rencontre en face le rang des mécréants et la personne se sauve à ce moment-là. La personne se sauve à ce moment-là. Alors elle rentre dans ce hadith. وَالتَّوَلِّ أَيْ الْإِدْبَارُ وَالْإِعْرَابُ لِأَنَّ فِي هَذَا إِضْعَافٌ لِقُوَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَقْوِيَةِ مَاذَا الْخَصْمِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le fait d'accuser injustement, c'est-à-dire de zina, de fornication, d'adultère, les femmes chastes, innocentes et croyantes. Qadf ay rami. Ma'ana al-qadf al-rami bizzina. Al-muhsanat al-afifat. Ou al-harair. Donc, wa al-ghafilat ay عن الفاحشة يعني الفاحشة ما خطر أصلا ببالها والغافلات عن ما رميت به أو بهن دونك طيب والمؤمنات فخرجت من ذلك الكافرات. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite que le septième péché qui cause l'anéantissement de la personne est le fait d'accuser d'adultère ou de fornication les femmes chastes, c'est-à-dire qui ne commettent point l'adultère, qui se préservent, si ce n'est de leur mari, dans le mariage, halal. Ça c'est muhsanat. Al-ghafilat, ils ont traduit ici par innocence, innocente. Le mot littéral c'est distraite. Comment ça distraite? Elles sont tellement loin de ce péché que ce péché n'a même pas traversé leur esprit. Vous avez compris? Pourquoi est-ce qu'on les appelait ghafilat, distraite? Elles sont tellement loin de ce péché, le fait de commettre l'adultère, que ce péché n'a même pas traversé leur esprit. D'autres savants ont dit, elles sont tellement loin de ce péché qu'elles sont distraites de ce qu'on dit sur elles. Car elles ne font pas partie des femmes dépravées, ni des prostituées, ni des femmes qui fréquentent les hommes en dehors du mariage. Alors, lorsqu'on parle ainsi sur elles, ben elles sont distraites de ça, elles ne peuvent pas imaginer qu'on va dire ces paroles sur elles. Ben ceci fait partie des plus grands péchés. Et la troisième caractéristique, mu'minat, croyante. D'accord? Donc ce qui rentre dans ce contexte, c'est ces trois caractéristiques. Donc si c'est une kafira, ça n'entrera pas dans les mubiqat. Mais on ne dit pas ça. Si c'est pas vrai, c'est haram. Même si c'est une kafira. Mais ça n'aura pas le même jugement. Et parmi ces femmes chastes, croyantes, et distraite de ceux dont elles ont pu être accusées, il y avait qui? Aïcha radiallahu anha. Et Allah Azza wa Jalla l'a défendu dans le Coran en citant une dizaine de versets dans Sourate An-Nur. Hein? Au point Aïcha radiallahu anha a dit: Wa la sha'ni ahkar an uzkar fil Coran. Ou an tunzal fiya ayat tutla min kitabillah. Et Aïcha radiallahu anha, de par sa grande modestie, a dit: et à mes yeux, j'étais bien trop insignifiante pour qu'on révèle des versets à mon sujet. Subhanallah. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Donc le sens de ce hadith est clair. Inch'Allah. J'oubliais une chose. Celui qui accuse une femme croyante, chaste, et distraite de cela, quel est le jugement? Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a cité trois choses. Premièrement, ils se font fouetter 80 coups de fouet. Deuxièmement, n'acceptez plus de leur témoignage. Troisièmement, ce sont eux les pervers. Donc, le had que le gouverneur applique à cette personne dans le pays musulman, c'est quoi? 80 coups de fouet pour avoir parlé sur une musulmane et pour avoir nuit à l'honneur d'une musulmane. Regardez la place de la musulmane dans l'islam. Deuxièmement, on n'accepte plus leur témoignage. On n'accepte plus leur témoignage. Et troisièmement, ce sont des pervers. Ils sont sortis de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit ensuite, sauf s'ils se repentent. Donc s'ils se repentent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les 80 coups de fouet, mais le wasf du fisq, la caractéristique de la perversion, s'en va. D'accord? Et par la suite, on accepte leur témoignage ala sahih, comme a dit ba'du ahli al-ilm. Donc le sens du hadith, يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبعاد بالابتعاد عن سبع جرائم لما ولما سئل عنها ذكر الشرك وبدأ به لأنه أعظم الذنوب وثنى بالسحر لخطورته عطفه بعد عموم الشرك وبقية الذنوب وشاهدنا من الحديث والسحر dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous éloigner de sept péchés qui sont très graves et lorsqu'il fut questionné sur ces péchés il a répondu la sorcellerie le polythéisme la sorcellerie et il a cité le reste de ces péchés là on tire de ce hadith تحريم الشرك وأنه أكبر الكبائر تحريم السحر تحريم قتل النفس بغير حق تحريم بقية هذه الذنوب on tire de ce verset l'interdiction de ces sept péchés en commençant par le polythéisme et la sorcellerie طيب puis l'auteur nous dit وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف روى الترمذي وقال والصحيح أنه موقوف وقرية هكذا ضربة بالسيف donc selon جندب et cela remonte jusqu'au prophète مرفوعا ça veut dire remonte jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم حد الساحر La peine du sorcier consiste à ce qu'il soit frappé d'un coup d'épée. Consiste à ce qu'il soit frappé d'un coup d'épée. Ici, on a un ha à la fin. Ça a également été lu avec un ta à la fin. Ta al-marbouta. Yani, darbatun bis-saif. Darbuhu ou bien darbatun. Certains ont lu comme ça, certains ont lu comme ça. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui dit que Ce qui est juste, c'est de dire qu'il est mawquf. Il ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à Jundub lui-même. Qui est Jundub ici? On aurait tendance à dire que c'est Jundub ibn Abdillah, al-Bajali. Mais détrompez-vous. C'est Jundub qui est appelé Jundub al-Khayr. Jundub al-Khayr, ibn Ka'b, waqila ibn Zuhayr, ibn Abdillah, Abu Abdillah. Al-Ghamidi Al-Azdi Donc c'est Jundub Al-Khayr Celui qui a une histoire connue avec le sorcier Ça n'est pas Jundub Ibn Abdillah Al-Bajali radiallahu anhu. Donc il est mawquf, il n'est pas marfou' C'est la parole de Jundub lui-même Elle ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Haddu Sahir La sentence du Sorcier, darbatun bis-saif, ou bien darbu bis-saif, c'est qu'il soit frappé d'un coup d'épée. Ay, uqubatu shar'an, c'est-à-dire que ce que le gouverneur doit lui faire dans la religion d'Allah, ce qui a été dicté dans la religion d'Allah, c'est que le gouverneur doit, madha, le frapper d'un coup d'épée. Hada al-athar lahu qissa. Ce athar a une histoire. Ja jundub. رضي الله عنه ورأى ساحرا يخيل إلى الناس أنه يقطع رأس رجل ويرجعه كما كان ويفعل هذا أمام بعض الأمراء فجاء جندب وأخذ سيفه وقتله طيب وقتله وهل استطاع أن يرجع رأسه ها هكذا زهق الباطل ولا يفلح الساحر حيث أتى. Donc cette parole a une histoire. C'est que Jundub radiallahu anhu a vu un jour un sorcier qui coupait la tête d'un homme, d'accord, et faisait en sorte que sa tête revienne comme elle était auparavant. Vous avez compris? Une personne qui est debout, sa tête tombe et ensuite on lui remet sa tête. Et il faisait cela devant certains. Maza, gouverneur ou dirigeant. Donc Jundub a vu que c'était du sihr. Il est venu, a empoigné son épée et lui a coupé la tête. D'accord? Il est venu et lui a mis un coup d'épée. Est-ce que vous pensez qu'il a pu remettre sa tête lui-même? Non. D'accord? Donc comme a dit Allah, le sorcier ne réussit jamais. Le sorcier ne réussit jamais. Il a réussi à mettre sa tête à Adam, tu penses ou pas? Pourquoi? Parce que c'était du sihr, c'est un menteur. Hein? C'est quoi le jugement du sahir? C'est un kafir, jazakallahu khairan. Même les enfants d'Ahl Sunnah savent le jugement du sahir. Et je trouve des adultes, hein, qui se rendent auprès des sorciers, auprès des marabouts, auprès des devins, auprès des... Appelez-les comme vous voulez. Fiqih, marabouts, sorciers, il reste quoi encore? Kahin. Tous les... Yani le nom ne change pas la réalité. Comme ceux qui ont changé le mot de l'alcool, ils l'ont appelé eau de vie. C'est l'eau de la mort. Hein? Regardez les trous qu'ils ont dans la sécurité sociale tellement qu'il y a des cancers. Tayyib, subhanallah. Et ils ont appelé... Il y a plein d'exemples. D'accord? Ils ont appelé le fait de sortir de la religion d'Allah, liberté. D'accord? Ils ont appelé le hijab pour faire peur aux personnes pieuses. Comment dire ça? Un emprisonnement. Ils ont appelé talb ilm, le fait de bayar son mustaqbal, le fait de perdre son futur. Et ils ont appelé le fait de suivre la droiture, takhalluf, le fait d'être arriéré. Alors que ceux qui sont en retard, ils sont en avance que dans les péchés. Wal'iyadu billah. Tayyib. Hakadha barakallahu fikum. Le fait de changer les appellations ne change pas le jugement. Et rien ne se perd chez Allah tabaraka wa ta'ala. Néanmoins, j'apporte une précision. Car le mot marabout est utilisé chez les Africains et il a deux sens. Il y a un sens qui est louable et il y a un sens qui est blâmable. Ils utilisent le mot marabout pour toute personne qui a appris. Ils utilisent marabout pour toute personne qui a appris et il y a une base dans ce mot-là. D'accord? Et ils utilisent également marabout pour le devin et pour le sorcier et ainsi de suite. Donc il ne faut pas confondre. D'accord? Il se peut qu'on rentre chez nous et qu'on entende de la parole de nos tantes « Ah, Foulan, c'est un grand marabout. Ah, Foulan, kada. » Ça ne veut pas dire que c'est un grand sorcier, wal'iyadu billah. D'accord? Ça veut dire qu'ils pensent qu'on a un peu de science. Wadah. Alors que quand il y a dans les boîtes aux lettres le grand marabout un tel, ça veut dire quoi? Ça veut dire le devin ou bien le moucha'ouid, le... Comment on dit ça en français? Le charlatan et ainsi de suite. D'accord? En français, comment est-ce qu'ils appellent en France? Les astrologues, les sorciers, les devins, les médiums. Barakallahu fikum, les médiums. Qatalahumullah jami'an. On leur donne tous la haqq. On ne fait pas de distinction entre eux. Et on fait du'a contre eux tous. Qatalahumullah. Wa huwa al-qawi al-aziz. Al-alim. Al-kabir. Faites du'a en soujoud contre le Sahara. En soujoud, vous faites du'a contre le Sahara. Et celui qui se lève la nuit, il fait du'a aussi contre le Sahara. D'accord? Ils méritent, c'est un droit qu'ils ont sur vous, que vous leur fassiez ce bien-là. Qu'on les purifie de ce mal. D'accord? Qatalahumullah jami'an. Rappelez-moi de vous raconter une qissa d'un sorcier, une sorcière à qui on a fait da'wah, qui a fait tauba. Rappelez-moi de vous raconter ça un jour. Ici, on voit que chez Sahaba, le jugement était connu. Donc, ce athar est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et il est mawkouf. Celui que le gouverneur, Mada, à qui le gouverneur fait cette peine, est-ce que il y a une expiation des péchés ou bien est-ce qu'il meurt riddatan? Si c'est un sahir bima'na al-kalima, qutila riddatan. Ça ne veut pas dire que dans l'au-delà, ensuite, on lui a pardonné ce qu'il a fait fi dunya. Non. Ça, c'est sa sentence fi dunya. Et il meurt kafir. D'accord? Il meurt kafir. Donc son mal vient que de commencer. Il a vécu mal dans ce bas monde, mais à côté de ce qui l'attend dans l'au-delà, il était fil jannah dans ce bas monde. Comme le prophète sallam a dit, Jannatul kafir, ce bas monde. En parlant de ce bas monde. Par contre, si c'est quelqu'un qui sème le désordre sur terre, et c'est un musha'wiz, c'est un charlatan, en vrai, il ne fait pas du sihr. Pas de kouf, il ne cherche pas l'aide auprès des shayatins, mais il trompe les faibles d'esprit. Il trompe les faibles d'esprit, ils viennent les voir, il écrit des choses, il met des croix, il leur fait croire qu'il fait du sihr, et il leur donne un papier, tiens, mets-le dans ta poche, dans la poche de ton enfant, dans telle couture, dans l'oreiller, devant la maison, et ce genre de mensonges et d'égarements. Mais en vrai, il prend juste l'argent des gens. D'accord? Ben, il est minam lufsidin à fil ard. Il fait partie de ceux qui sèment le désordre sur la terre, et le gouverneur fait ce qu'il voit être le plus juste. Mais dans ce cas-là, si on le frappe d'un coup d'épée, on ne dira pas qu'il est mort riddatan. Donc celui qui est un vrai sahir, il meurt riddatan. Et celui qui n'est pas un vrai sahir, c'est un musha'wid, il ne meurt pas riddatan. Ridda, ça veut dire l'apostasie, le fait de sortir, d'être excommunié de l'islam. Puis, wa fi sahih al-Bukhari, vous avez Bujala, c'est Bajalata. Vous avez Bajala? Pour ceux qui ont ce livre-là, vous avez quoi? Avec une dhamma? Mettez une fatha, et ensuite il faudra vérifier est-ce qu'il y a une autre façon de le dire. Mais ce que on sait, ce que je sais du moins, et que j'ai entendu des gens de science, c'est avec le fatha. Bajalata. Ibni Abadata. Qala katab Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ani qutulu kulla sahirin wa sahirahum. Qala faqatalna thalatha sawahir. Al-Bukhari rapporte dans son recueil de hadith authentique que Bajala, en français ils ont mis avec la fatha, que Bajala ibn Abadata, Abada, a dit Omar radiallahu anhu a écrit cet ordre. Donc il a envoyé aux gens, car lui était le gouverneur, cet ordre. Que l'on tue tous les sorciers et toutes les sorcières. Alors le sahabi dit, ou plutôt celui qui rapporte, dit, nous avons donc tué 3 sorcières. طيب هذا الاثر ليس عند البخاري هكذا اثر ني با دون ركول امام البخاري ainsi comme يعني نبه عليه صاحب التيسير شيخ سليمان رحمه الله جميعا وانما هو هكذا عند احمد وانما هو هكذا عند احمد وابي داود وابن ابي شيبه وغيرهم رحمهم الله باسناد صحيح قال ابن قدامة ومثل هذا اشتهر ولم ينكر فكان إجماعا. Donc ce texte n'est pas dans le recueil de l'imam Bukhari. Il est auprès de l'imam Ahmed, auprès de l'imam Abu Daoud et d'autres. Il est authentique. Ibn Qudamah, Muwaffaquddin rahimahullah ta'ala, nous dit que ce genre de choses s'est répandu. C'est-à-dire que le jugement du sorcier, Tarbatun bisayf, et n'a pas été réprimandé par un compagnon. Donc, ça a le jugement du consensus. Ça a le jugement du consensus. Il a cité cela dans son livre Al-Mughni, qui est connu. La parole qui est dans le recueil d'Imam Bukhari n'est donc pas celle-ci, mais c'est plutôt celle-là. Anna Omar, radiallahu anhu, kataba ila ummali, wa amarahu, yani bil ma'na. أن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس لماذا هذا؟ لأنهم والعياذ بالله يبيحون ويجوزون النكاح بين المحارم والعياذ بالله. Donc la parole qui est dans le recueil de l'imam Bukhari est que Omar ibn Khattab رضي الله عنه a écrit à comment on va dire ça, c'est Ummal, à ceux qui étaient sous son ordre de séparer entre les hommes et les femmes, malgré le fait qu'ils aient des liens de parenté, d'accord, chez le peuple des Majus. D'accord, ils disent en français, si je ne me trompe pas, zoroastrien. Comme ça. Taïb. Pourquoi cela, les frères? Car ces gens-là rendent. Comment dire ça? Hein? Ils permettent. D'accord? Ils permettent. Même de le dire, j'ai du mal, subhanallah. Ils permettent, aux gens de la même famille de se marier ensemble. Quand je dis de la même famille, vous comprenez mes propos ou pas? Yani avec les maharim, les femmes qui te sont interdites, comme la sœur, la tante, et ainsi de suite. Donc, Omar ibn Khattab avait ordonné de les séparer, de les éloigner. Donc, on tire du athar de Omar que Mada, le jugement du. Yani, quel est le jugement du sahir? Et on voit que Omar ibn Khattab n'a pas fait de distinction. Il n'a pas dit est-ce que il utilise dans le sihr ça ou bien kada kada na. Taïeb. Et ça, c'est parmi ce qui a été utilisé par les savants pour dire que le hukm du sihr, c'est du kufr. Mutlaqan. Pour finir, وصح عن حفصة رضي الله عنها يا بنت عمر وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة أي صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. On rapporte de manière authentique que Hafsa, c'est la fille d'Omar et l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم, qu'elle a ordonné que l'on tue une de ses servantes qui lui avait fait de la sorcellerie. Elle fut donc exécutée. Ce récit est rapporté authentiquement de Jundub. On l'a lu auparavant. Jundub al-Khayl. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit, ceci a été rapporté de 3 compagnons. Ceci a été affirmé de manière authentique de 3 compagnons. Qui sont-ils? On les a cités. D'accord? Donc Jundub al-Khayl, Omar et Hafsa. D'accord? هذا الأثر من ذو حفصة أخرجه الإمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى بلاغا وذكره ماذا عبد الرزاق ووصله. Et ce qui est apparent, c'est qu'on ne lui a pas demandé de faire tauba. Donc c'est bidoun istitaba. Le sahir, s'il est pris, le gouverneur, il ne demande pas de se repentir. Parce qu'il n'y a pas de confiance. D'accord? La yustatab. Et les ulama ont divergé sur cela et c'est la parole de l'Jumhur. Certains ont dit Ustatab, on lui demande de se repentir et s'il ne se repent pas, yani qutil. C'est la parole d'Imam Shafi'i et d'autres. Troisième avis, c'est que ça revient au gouverneur. Et c'est lui qui décide, il regarde la maslaha. Une faïda, ici, on nous dit, Mada, que l'imam Ahmed a dit que cela a été authentifié par trois compagnons. Une faïda de 3 autres aussi. Donc ici, on en a 3. Sur Salah Hussein Dihavidahullah Ta'ala a dit de 3 autres également. An Othman, de Othman radiallahu anhu. عن ابن عمر رضي الله عنهما ايد ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه si je me trompe pas son prénom est Qais. L'auteur a cité ça, pourquoi? Car on y voit le jugement du sahir et ça nous montre la gravité de cette action et il sème le désordre sur la terre. Les savants disent, si ceci a été présent au temps de Omar ibn Khattab, une des meilleures époques, que dire alors à notre époque? si la sorcellerie, on l'a trouvée au temps d'Omar ibn al-Khattab, alors que dire à notre époque? À une époque où la science a diminué, où le mal s'est répandu. Allah musta'an. Hada huwa. On s'arrête sur ça. Le cours était exceptionnellement long dans Kitab al-Tawhid. C'était pour finir le chapitre et pour pouvoir continuer le chapitre suivant. Jazakum Allahu khayran wa adana Allahu yakum jami'an min as-sihr wa sallallahu yantaqima min as-sahara. Le hadith là, comment Al-Bani il a dit que c'est un hadith faible. Voilà, marfou'an il est faible, mais maoukoufan, d'accord, il ne remonte pas jusqu'au prophète, mais il est maoukouf, c'est la parole du sahaba. Non, ça y est, on va vérifier. Ouais, j'ai entendu. Arrête, c'est. Il y a une personne qui dit, si la magie de la mécréance, pourquoi est-ce que les deux anges l'ont-ils enseigné? Les deux anges, comme vous le savez tous, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. Les anges ne peuvent désobéir Allah Azza wa Jal. Donc c'était une tentation et c'était une épreuve. Pour voir qui est-ce qui va croire et qui est-ce qui va mécroire. D'accord? C'est une tentation. Ça, c'est un des avis des savants. Pour ceux qui est le fait d'acheter les maisons, yani la banque achète la maison, ensuite vous la revendre, Allahu a'lam. Est-ce que c'est halal ou haram? Demandez à ceux qui savent. Amen. Les mutuelles qui sont à but lucratif, la question a été posée aux savants et ils ont dit que c'était haram. Mais si c'est comme, comment est-ce qu'ils appellent ça, des coopératives, alors ça se discute. Quand est-ce qu'un enfant devient pubère? Par l'un de trois signes. L'enfant devient pubère par l'un de trois signes. Premièrement, le fait d'atteindre 15 ans révolus. Ou le fait d'avoir 15 ans, de compléter 15 ans. Il est pubère automatiquement, même s'il n'a pas eu les autres aussi. C'est compris? Donc, c'est valable pour les garçons et pour les filles. Le deuxième signe, al-hulum, l'ihtilam, c'est le fait d'avoir une éjaculation avec plaisir. Je ne sais pas s'ils disent plaisir. En général, yu'abbirun bil ihtilam. En général, ils disent un rêve érotique, c'est-à-dire avec la sortie du liquide. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'en général, la première fois que la personne voit cela, c'est lors de son sommeil. Ça marque son passage dans al-bulugh, yani dans, comment on va dire ça, le fait qu'il soit pubère. Le troisième signe, c'est sha'r al-ana, yani des poils autour du pubis. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Des poils en bas. D'accord? Ça montre la puberté de la personne. Donc ce sont trois signes qu'on peut trouver chez l'homme, qu'on peut trouver chez la femme. Pour la femme, il y a un signe en plus, c'est les menstrues. Pour la femme, il y a un signe en plus, c'est les menstrues. Même si elle est petite, même si elle a 9 ans par exemple, et qu'elle a ses menstrues, alors elle est pubère, elle doit jeûner, elle doit prier, et ainsi de suite. Ça c'est important. Parce qu'il y a des ahkam, par exemple pour la salade, pour Ramadan, ainsi de suite. C'est une science obligatoire. Hein? C'est une science obligatoire. Certaines femmes ont eu leur menstrue. Par exemple, à 10 ans, elles commencent le siyam à 13 ans. C'est grave. La question a été posée à certains savants, ils ont dit qu'elle doit tout rattraper. Parce qu'elle a eu un manquement dans l'apprentissage de ce qui est obligatoire pour elle. D'accord ? Allah musta'an. Les prières surrogatoires sont sunna ou obligatoires ? Probablement que ma fatigue fait que je ne comprends pas bien la question. Si les prières surrogatoires sont sunna ou obligatoires ? Surrogatoire, ça veut dire non obligatoire. Surérogatoire veut dire pas obligatoire. Donc si vous entendez ça par sunna, c'est sunna. Dans le sens pas obligatoire. Et les deux raka'ah avant le fajr. Quand on les fait chez soi, avant l'adhan de la mosquée, les deux raka'ah qu'on appelle sunnatul fajr, doivent être refaites pour celui qui veut les faire, après l'entrée de l'heure de la salat. Adhan ou pas adhan. Après l'entrée de l'heure de la salat. Dès que l'heure du fajr est entrée, on peut faire ces deux raka'ah. La sunna, c'est de les faire chez soi, mais pour celui, bien sûr, qui peut atteindre ensuite la prière obligatoire à l'heure. Voilà, Salam faisait sunna chez lui, ensuite il s'allongeait sur le côté, et ensuite il venait pour faire salat obligatoire. Donc, celui qui veut faire sunnatul fajr, il attend l'entrée de l'heure du fajr. Sinon, ça rentre dans qiyamul layl. Comment faire si on veut épouser une convertie et qu'aucun de ses tuteurs est musulman? Il y a deux solutions. Si tu es parmi les, par les savants, premièrement, prendre un imam à la tête d'une mosquée qui la représentera pour le mariage. Ou la jama'iyya du masjid. La jama'iyya du masjid. Et sinon ceux qui représentent les musulmans du pays. Ceux qui représentent les musulmans du pays. Comment guérir de la sorcellerie? Avec le dua, avec le ruqya, avec taqwa Allah Azza wa Jalla, la lecture du Coran. Et cela viendra dans les cours, Inch'Allah. Et si on n'en parle pas de manière détaillée, vous reposerez la question. Il me semble en avoir parlé dans le chapitre Maza. Il y a quelqu'un qui me pose des questions sur Nader Abou Anas. Ne perdez pas votre temps avec Nader Abou Anas. Allah Azza wa Jal lui facilite un retour vers la droiture. L'intervalle d'une heure trente entre le Maghrib et l'Isha, est-ce qu'il est valable toute l'année? Allahu a'lam, dans certains pays oui, dans d'autres pays non. Frère qui me demande un prêcheur, est-ce que je le recommande prendre le tawhid ou sous le salat, etc. Je ne le recommande pas parce qu'il fréquente des mauvaises personnes. Et il a dit des choses bizarres. Et si on voit une nécessité à citer, on le citera dans le futur. Celui qui est converti et qui a des sœurs qui sont égarées, il les conseille, les appelle au tawhid. Avant même de parler de tenue et de choses importantes, il commence par le plus important sur le tawhid, sur l'aqidah, sur le fait qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur, donc le seul qui mérite d'être adoré, il leur fait da'wah. Si elles acceptent, alhamdulillah, si elles n'acceptent pas, il leur a fait son travail, il n'a pas de péché dans cela. Est-ce qu'il y a une divergence chez la aura concernant la aura de l'homme? De quelle divergence parlez-vous? Dites-moi cela, ensuite on pourra en discuter. Ce qui est répandu, c'est que c'est du nombril au genou. Ce qui est répandu, c'est que c'est du nombril au genou pour l'homme. Et pas pour la femme. Contrairement à ce que certains disent et pensent, pas pour la femme. La aura de la femme entre les femmes, c'est la aura de la femme devant ses maharim. La aura de la femme entre femmes, c'est la aura de la femme devant ses maharim. C'est-à-dire que la femme doit couvrir entre femmes ce qu'elle couvrerait devant son frère, devant son père, son oncle, et ainsi de suite. La preuve de cela dans le Coran, Al-Ahzab ou bien Nour. D'accord? Comme a expliqué Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit qu'elle pouvait se montrer à une partie des gens, puis et aux hommes de leur famille. D'accord? En ayant cité les femmes, on comprend quoi? On comprend que la aura qu'elle peut montrer devant les femmes est celle qu'elle peut montrer devant les hommes de sa famille. Pour les dates, ce que je connais, c'est que c'est avec Al-Ajwa. C'est un imam pris avec un pantalon serré. Il n'a pas le droit de faire l'imam. Aslan. Il n'a pas le droit de faire l'imam, de présider la prière avec un pantalon serré. Parce qu'on va voir sa aura. Les parties seront dessinées. Les endroits de sa aura seront dessinés. C'est haram de prier ainsi. Et de marcher dans la rue ainsi. Que dire dans la salat? Que dire? S'il y a des gens devant lui, il va se prosterner. Allah musta'an. Comment est-ce que les gens mettent un imam ainsi? Allah tata'ajjab. Allah kulli hal, faut pas le mettre en imam, et s'il fait imam, yani vous pouvez rien faire près d'arc, enfin d'autre. Celui qui prie dans un masjid où la salat n'est pas à l'heure, et que c'est la mosquée de son quartier, la mosquée où il est pris, il va, il fait la salat avec la niya, que c'est nafila. D'accord? Et ensuite, lorsque l'heure entre, il prie cette salat. S'il y a un autre masjid, il prie un autre masjid à l'heure. Encore faudrait-il savoir ce qu'est l'heure. Est-ce que la parole, je mets le Coran de côté et je me concentre sur le tawhid, est-elle juste? Ou il faut unifier les deux choses? Qu'est-ce qu'il veut dire par je mets le Coran de côté? Cette parole peut avoir plusieurs sens. Cette parole, ça peut être une ridda. Ça peut faire sortir la personne de l'islam. S'il veut dire qu'il jette le Coran, il met le Coran de côté, il ne prend pas le Coran, ça c'est du kufr. Si il entend par cela que il retarde hifdul Coran, hein, la mémorisation du Coran pour apprendre le tawhid, on lui dit dans quoi tu vas apprendre le tawhid? Tawhid fil Coran. Kitab et tawhid. Ouvrez kitab et tawhid. Il y a combien de versets? Hein? Tawhid, Coran. Coran, kullu tawhid, comme a dit Ibn al-Qayyim. Il faut joindre les matières en commençant par les choses obligatoires. Connaître Allah Azza wa Jal, connaître Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, connaître le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'islam. D'accord? On apprend cela dans le Coran, on apprend cela dans la Sunna, wa hakaza. Coran, elle apprend le Fatiha. Ensuite, elle corrige la lecture de le Fatiha. Puis elle apprend ce qui lui est facile, des petites sourates. Wa hakaza. Mais on ne va pas dire que c'est une obligation pour elle d'apprendre le Coran. Mais petit à petit, inshallah, Allah lui facilitera. On joint entre cela et cela. D'accord ? On joue entre cela et cela. Et Tawhid, son apprentissage ne s'arrête pas. Jusqu'à dans ta tombe, on va te questionner sur Tawhid. Après même ta mort, des deux anges vont venir, tu vas t'asseoir et on va te questionner sur Tawhid. Donc, tu vas attendre ce moment-là pour apprendre le Coran. Là. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم.